était amoureuse d'un monsieur qui conduit une belle voiture rouge, pimpon, pimpon. Il a sur la tête un chapeau en argent et quand il passe on se range, pimpon, pimpon. Elle l'a connu un beau jour dans la rue que l'incendie faisait rage, pimpon, pimpon. Et depuis ce temps palpitant tout le temps, un violent amour la ronge, pimpon, pimpon. Elle le suit dans la grande rue de son village pour lui jeter les mille fleurs de son corsage. Chaque fois qu'il s'arrête un moment dans un coin, la température augmente, pimpon, pimpon. Tout autour de lui, il y a des flammes qui s'élèvent et de la fumée qui monte, pimpon, pimpon. Et puis des femmes nues qui s'élancent dans ses bras avec une joie démente, pimpon, pimpon. On résiste pas à ce type-là, on peut pas, on dirait qu'il vous aimante, pimpon, pimpon. Un beau dimanche, il l'a emmené dans sa voiture à la campagne, histoire d'être seule dans la nature. Elle a constaté le parfait fonctionnement de toute la mécanique, pimpon, pimpon. Le vivre brillait, le moteur ronronnait, c'était une joie magique, pimpon, pimpon. Et puis vers le soir, tous les deux sont montés si haut sur la grande échelle, pimpon, pimpon, que derrière un nuage ils se sont égarés, c'était vers le septième ciel.